J'augmente la distance de sécurité. Dans le cas numéro 1, oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le cas numéro 2, oui, réponse C. Non, réponse D.